Gabriel prédit qu'en l'an 2000, n'en réchapperont que ses fidèles, évacués par des vaisseaux spatiaux, pilotés par des extraterrestres. Amenés par les quatre cavaliers de l'Apocalypse, les tremblements de terre, les inondations, les ouragans, toutes les catastrophes naturelles qui marquent 1999, la dernière année de ce millénaire, sont pour des millions d'Américains les signes avant-coureurs de la fin des temps, d'un gigantesque raz-de-marée qui va emporter à la fois les péchés et les pêcheurs. Ce que je prévois pour demain, c'est rien que la même merde. Le même rapport de force, la jalousie et ceux qui ont rien à perdre. Toujours l'hypocrisie, les masques sur les gueules. Un sourire faut incruster et sous le suite un gun. Avec volonté de nuire, le goût de la destruction. Les mêmes tyrans à fuir et peu importe en quelle direction. La vie c'est joie, c'est douleur, fachos qui parlent des odeurs. Le froid au nord, au sud, la chaleur, 3 millions de chômeurs. Le mauvais œil et la chance, en thème de chanson. C'est triste hélas mais y'a suicide quand la souffrance du cœur a raison. Les guerres en haut et puis en bas les massacres. Le peuple qui subit à feu, à sang, épaisse fumée acre. La volonté en moi, chez l'autre le manque d'ambition. Les gosses du père sur le trottoir devant une caille en admiration. Mato aigreur d'estomac, ministre et langue de bois. On parle les langues de pute avec leur pute qui aboie. On prend les mêmes, on recommence. 2-3-0, pas plus de reconnaissance. Toujours la même destination. La vie un cycle, l'histoire un socle. Se servir du passé, construire demain. Mais putain l'homme s'en moque. Autant d'affaires douteuses, d'histoires d'amour douloureuses. Des dessous d'arbres, règlements de compte et des cadavres sous le sable. Autant de faim, autant d'acide qui coule en pluie. Le déboisement, la pollution avec la même folie. Tu croyais quoi? Demain c'est idem, pas mieux ni pire. Une dose de larmes, je suis pas à plaindre et on finit par sourire. Ce que je te vois pour toi, c'est rien que la même merde. Le même rapport de porte à chaque signe, ce qu'on rien à perdre. Un œuf de dépasser, et rien de protection. La même merde, les mêmes bluffs, les mêmes faillatissements. Ce que je te vois pour toi, c'est rien que la même merde. Le même rapport de porte à chaque signe, ce qu'on rien à perdre. Un œuf de dépasser, et rien de protection. La même merde, les mêmes bluffs, les mêmes faillatissements. Sale illusion, si tu crois qu'ici le but c'est tirer des meufs, faire de la maille et tirer les seufs. Un 9-9-9 dépassé, et rien ne fout le sexe suivant. La même merde, les mêmes bluffs, les mêmes avertissements. L'adversité prend le devant et plus qu'avant. Non mais t'es que j'enchaîne, moi elle consonne. Les dents que tu saches qu'on sonne l'alarme quand je vois ce qu'on consomme. Ma vie je la nique comme un jeu sur console. On se console comme on peut ensemble. Ce sera la même merde, s'il te plaît laisse-moi dire ce que je veux au micro. Pas peur à banane, texte formel. La vie me formelle, forge mon esprit. Regorge le ouf, on se méfie. En bas la rage, grimpe autant que les plaintes. Les gars empruntent une voix express, on se presse au guichet. La vie en vitrine pour aguicher, ça me coûte cher. On se dit tous ref et on s'embrouille pour pas cher. Ce qui reste à venir, c'est le pire, le meilleur. Les mêmes jours qu'hier, pour moi le mieux est ailleurs. Ce que je prévois pour toi, c'est rien que la même merde. Le même rapport de porte à chaque signe, ce qu'on rien à perdre. Un œuf de dépasser, et rien de protection. La même merde, les mêmes bluffs, les mêmes avertissements. Ce que je prévois pour toi, c'est rien que la même merde. Le même rapport de porte à chaque signe, ce qu'on rien à perdre. Un œuf de dépasser, et rien de protection. La même merde, les mêmes bluffs, les mêmes avertissements. Demain c'est rien, c'est juste aujourd'hui qui avance. D'inattendu coup de main et tes amis qui montent ta potence. Juste des rêves, mais des cauchemars qui tournent en boucle. Des cloques sur les mains, et puis en fait des claques chaque jour. Un globe avec sa terre qui tremble et ses volcans qui fument. Chaque jour un enfant naît pendant que nos vies se consument. La vérité pour chacun diffère. Les mêmes embrouilles bidons qui font qu'on croise le fer. Autant de partis politiques avec des vices et mensonges. Pas bon dehors en fuite et puis dealer de shit qui plonge. Autant de zoulettes, autant de faciles qu'on paye pas. Autant de bâtards qui posent des bombes, des traîtres. Le Pen, Maigret, FN, sa mère à coups de baïonnette. Demain dans nos rues les mêmes crimes, les mêmes qui priment, les mêmes galères pour ceux qui triment. Nouveau siècle, nouvelle page, on tâche faire nos tapes, faut mieux message qu'on a. Mille raisons de braille au mic, toujours la même spirale qui se répète, où se pète la compète. Autant que dans le crew on se complète. Prêt pour demain, possible offensif en conquête. 21ème et rien neuf du bluff de politicien. C'est dur de changer le contexte. En bas on se perd, on les conteste. Au mic on conteste leur prévision, vision fossile pour demain. Mes prédictions c'est rien que du corset. Une vie dure et foncée, dans le seul but de foncer. Dis-toi qu'on est tous hors série. Autant que je suis lassé, boire la tasse écorcée. La même série, un goût amer, faut cesser. Tu sais qu'il n'y a plus le temps, le passé est passé. Constamment présent et jamais dépassé.